Il y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. Bonjour, c'est Benjamin Durand dans British Connection. Je vais vous parler de Oasis ou la revanche des Ploucs, un livre que j'ai eu la joie d'écrire avec mon ami Nico Pratt et que Playlist Society a publié en 2021. Ce livre est un témoignage de notre passion et de ce qui nous intéresse dans le groupe Oasis, c'est-à-dire avec des aspects psychologiques sur les frères Gallagher. On parle beaucoup de comment Manchester les a nourris et un petit peu du contexte dans lequel toute cette musique a pu naître, comment elle a été écrite, etc. Le titre était un petit peu provocateur et c'est un peu notre éditeur qui nous a poussé à le donner. On lui avait dit que notre livre serait à peu près Oasis ou la revanche des Ploucs, comme ça pour lui donner l'idée du ton qu'on voulait donner. Et lui a carrément insisté pour que nous donnions ce titre au livre. Alors on était un petit peu embêtés parce qu'on avait peur que ça puisse paraître quelque peu méprisant d'écrire le livre comme ça. Mais c'est pour ça qu'on a eu à cœur, dans l'écriture, de justifier ce titre, en expliquant notamment comment l'extraction assez prolétaire de tous les membres d'Oasis, hein, pas seulement des frères Gallagher, avait un côté défiant qui a nourri le côté tout l'aspect glorieux des chansons d'Oasis. C'est ça qui leur a permis dans les années 90 de se démarquer et de créer cette espèce de mouvement euphorique qui s'est imbriqué dans ce qu'on a appelé la Britpop et qui a remis l'Angleterre au centre du jeu dans le paysage musical après Nirvana. On va donc écouter une première chanson qui, à mon avis, symbolise très bien ça. C'est une chanson du premier album d'Oasis qui s'appelle Cigarettes and Alcohol. It's on the rock, British Connection. Is it my pouvez entendre dans cette chanson tout le panache d'Oasis et cette façon complètement décomplexée de plagier Get It On The T-Rex. Voilà un petit peu tout ce qui constitue pour Nico et moi tout ce qu'on aime dans Oasis, cette façon de dire des choses très très simples sans aucun complexe. Il y a aussi même limite un commentaire social dans cette chanson quand ils disent notamment à quoi bon d'aller chercher du boulot quand aucun boulot ne mérite d'être fait. Tout ce qui compte c'est de s'éclater, de fumer et boire de l'alcool. Bon, c'est assez simpliste mais ça en dit long sur l'horizon très très fermé des classes laborieuses de l'Angleterre à l'époque notamment de Margaret Thatcher au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps dans le livre plutôt que d'énumérer les anecdotes plus ou moins amusantes, plus ou moins intéressantes sur les bagarres des frères Gallagher. On a voulu un petit peu replacer l'enfance, l'écriture des chansons d'Oasis dans leur contexte social, politique, raconter un peu ce qui se passe à Manchester, pourquoi Manchester, pourquoi est-ce que dans cette ville il s'est passé beaucoup de choses, quand on remonte surtout à l'après-punk, hein, à toute l'arrivée d'une scène indépendante et surtout à Manchester, de tout ce qui s'est passé avec Factory Records, donc le label de groupes comme Joy Division, New Order et les Happy Mondays. L'impact aussi d'un groupe très important pour Oasis, les Stone Roses, évidemment les Smiths aussi. Donc voilà, c'était important pour un public qui ne connaît pas forcément tous ces groupes-là d'en parler. Et puis vu que nous, c'est des groupes qui nous intéressent beaucoup, on a estimé qu'il y avait une pertinence à parler de tout ça. Vu qu'en plus, Oasis, en interview, on a quand même épluché beaucoup, beaucoup d'archives, d'interviews d'Oasis et c'était assez intéressant de voir tout ce que, au fil des années, ils pouvaient avoir raconté là-dessus. Et donc, pour nous, voilà, c'était important de dire à quel point ils avaient grandi, évolué et commencé d'écrire à la fois en s'inspirant de cette musique de Manchester, mais aussi en étant un petit peu en réaction, notamment par rapport à toute la scène du clubbing du milieu fin des années 80, donc voilà la scène de New Order notamment, l'importance aussi de leur label Creation Records, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément toujours très connu par tout le monde, mais c'était intéressant de parler un petit peu du fait qu'il venait de ce label très important qui a fait découvrir beaucoup de groupes, de Jason Mary Chain à My Bloody Valentine. Et Oasis arrive donc vraiment à une période très intéressante qui est vraiment la fin du long règne des conservateurs, donc au milieu des années 90, et la montée de Tony Blair, donc un moment où les Anglais ont espéré pouvoir sortir de cette espèce de culture conservatrice et espérer que la gauche au pouvoir allait un petit peu redonner de la voix aux aspirations des classes prolétaires. Donc Oasis a parfaitement incarné ça, et notamment dans une chanson que j'aime beaucoup et qui est très importante parce que c'est leur premier numéro 1 en single, qui s'appelle Some Might Say et qui est sorti juste au moment d'une très sévère défaite des conservateurs à des élections locales et qui était un petit peu signe avant-coureur de la future victoire écrasante de Tony Blair en 1997. Some Might Say. British Connection avec vous depuis 1982. You rock. Some exclusivité, uniquement dans British Connection. La Britpop, c'est bien sûr la rivalité entre Oasis et Blur. On l'a regardé en ricanant un petit peu depuis la France, mais c'est quand même une rivalité très intéressante à recontextualiser. On a d'un côté donc Oasis, le groupe du nord de l'Angleterre. Ils ne sont pas allés très longtemps à l'école. Voilà, ils durent comme des charretiers. Et de l'autre côté, on a Blur, le groupe du sud. Alors là, par contre, ils sont allés à l'université, ils sont plus classe moyenne. Et puis, ils ont cette pop un peu maligne comme ça, face au rock euphorique d'Oasis. Donc, c'est intéressant de parler de tous les épisodes qu'il y a eu, de toute cette scène également, qui avait à ce moment-là quand même l'Angleterre. On a parlé de Cool Britannia à l'époque, c'est aussi l'époque où Tony Blair arrive au pouvoir. Ce mouvement un peu créé superficiellement par des journalistes londoniens qui voulaient damer le pion au grunge et qui aussi voulaient ramener l'intérêt sur le plan national à Londres, plutôt que ce soit toujours Manchester qui fasse la pluie et le beau temps. Et dans ce contexte-là, c'est donc du coup assez intéressant de voir la place particulière qu'Oasis avait dans le contexte de la Britpop. À la fin de la Britpop, il y a l'album évidemment Be Here Now, dont on a beaucoup parlé, très boursouflé, trop long, et puis à ce moment-là on explique comment Oasis est devenu un groupe quand même complètement énorme, où il y a beaucoup trop d'argent, ils prennent beaucoup trop de drogue, ce disque marque la fin de l'hégémonie d'Oasis là-dessus, pour qu'il devienne ensuite un groupe un peu phare, mais dans les années 2000, avec des choses intéressantes, mais par contre leurs albums ne sont plus aussi attendus qu'avant. On revient aussi sur la fascinante relation entre Liam et Noël, alors plus dans l'opposition des personnalités attachantes que dans leur bagarre, mais c'est très intéressant de revenir sur voilà, Noël, celui qui a eu les boulots ingrats, le grand frère qui a connu le chômage, mais qui derrière écrit toutes les chansons et qui n'est pas reconnu comme chanteur, évidemment face à son frère qui lui est le charisme incarné, qui est aussi insupportable que fascinant et qui est doté de cette voix exceptionnelle. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer sur les personnalités tendues des deux frères et ce qui fait le charme de ce groupe. Donc le dernier titre que je vais passer, c'est donc The Shock of the Lightning, qui est un extrait du dernier album d'Oasis. Merci beaucoup. livre de Benjamin Durand et Nico Pratt, Oasis ou la revanche des ploucs chez Playlist Society. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la troisième partie et fin de cet album de la semaine. Il s'appelle Lisa Kid. C'est leur premier EP, Life is Shit and Then You Die. Retrouvez toutes leurs infos sur leur page Facebook. Repeat. Want to fuck you? Technopop, Indus, Indé, Alternatif, Punk, Rock anglais, Gothique, c'est British Connection. Allez les amis, on fait une courte pause, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de British Connection. On retrouvera évidemment notre Siri Live, quelques morceaux de hardcore bien américains, sympa. Et puis, on vient d'en parler un instant, on parlera un petit peu des Smiths puisque ce sera les deux titres pour le prix d'un. A tout de suite.